400 ans de grand silence, le monde désespérant de voir un sauveur. Rien n'a bougé jusqu'à la nuit où l'éclatante gloire aux cieux a retenti. Oh, oh, oh, écoute le chant des anges. Oh, oh, oh, entourant les tables. Né le roi du monde, alléluia. Né le roi du monde. Humble naissance de Bethléem, une crèche reçoit le sauveur du monde, Verbe incarné. Dieu le Fils, le prix du rachat pour tous les hommes. Oh, oh, oh, écoute le chant des anges. Oh, oh, oh, entourant les tables. Né le roi du monde, alléluia. Né le roi du monde. Le destin son épaule repose, tous les cœurs meurtris par lui seront guéris. Chantons alléluia, gloire à Dieu dans le ciel, avec la création.